Bonjour à vous les amis, vous êtes bien sur Fadjet 91.2 pour l'émission Code du Beloved. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien les amis. Aujourd'hui nous retrouvons pour une nouvelle, excusez-moi, émission reggae dancehall comme d'habitude, où je vais vous présenter 8 artistes fabuleux. Donc aujourd'hui on a du Beyoncé, du Booba, mais en version reggae, vous allez voir c'est quelque chose, du Damien Marley, du Guns N' Roses, Nirvana, en reggae aussi, Rihanna, Yannick Noah, et encore une fois Beyoncé, vous allez comprendre pourquoi. Allez, commençons avec notre premier artiste qui s'appelle Beyoncé. C'est une chanteuse que j'adore, franchement. Je la surkiffe, elle est trop stylée. Donc, on commence par elle avec Dunkin' Love. C'est parti. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, na na. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, na na. Cigars on ice, cigars on ice. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You can make fitty, fitty, fitty, baby, I want you. Surfboard, surfboard. twerping on this big body. Been surfing all on this, surfing all on this good blood. Ah là là, je sais pas vous les amis, mais cette chanson, elle est juste superbe. Allez, on continue avec notre prochain artiste qui s'appelle Booba. Et oui, ce grand rappeur, mais qui elle, est remixée en reggae, vous allez voir. Elle est plutôt pas mal aussi, j'espère que vous allez apprécier. C'est parti. Chez les barbares, l'enculé, je serai rapatrié. Enterré au Sénégal, enfin je pourrai trouver le cadre. Je serai seul comme une étoile. Comme une étoile, j'ai disparu depuis longtemps. Mais tu me vois toujours briller, toujours scintiller. J'ai pris les petits sentiers, quitté le chantier. Haute scène, obscène, africain comme un entier. Libéré de mes entraves, me venger comme un droit. J'ai couru comme un esclave pour marcher comme un roi. Malheureusement, je n'ai pas su marcher très droit. J'ai gardé mon automatique et mes amis près de moi. Tu trouves que la terre est belle, elle est plus belle. Vu de là-haut, un nègre est un bon nègre quand il est dead sur le carreau. J'éclaire cellule si les barreaux. Sur ces notes de piano, regrette l'époque du Raluciano. Aigle royal, dernier voyage. Fais péter le son dans la gorge, rends-moi hommage. J'ai tout ce que je mérite, trouve pas ça dommage. Ni pute, ni soumise, vont se réjouir ces sales connasses. Banlieusard dans le sang, peu importe ce que Sarko fasse. 92 en sarcophage, et le piano m'endort. Terminator est mon mentor, récupérer mon or, j'en rêve encore. Juste briller, comme une étoile, j'ai toujours dit. Regarde vers les nuages, tu verras voler ma plume. Mes deux os sont moins 8 os. On contrôle la zone. Si je ne fais pas face à ces négros, car l'âme se plantera dans mon dos. Tu crois que je vais mal, que je ne dors plus. Tu voudrais sécher mes larmes, mais il y a bien longtemps que je ne pleure plus. Messieurs et mesdames, voilà mes chers Rasta, c'était Booba. Allez, continuons avec notre troisième artiste qui s'appelle Damien Marley. Je pense que vous le connaissez parce qu'il est quand même assez connu. Et il va nous chanter la chanson Welcome to Jamrock. Allez, let's go. In another day like gone by, two youths were ushered dead by unknown assailants in Kingston. Out in the street, they call it Welcome to Jamrock. Camp where the thugs them camp at. Poop now in a van back. It in a your handbag. Your knapsack it in a your backpack. The smell of your girlfriend. Some boy not know this. Them only come around like tourists. On the beach with a few club sodas. Bedtime stories. And pose like them name Chuck Norris. And don't know the real hard quarker. Sandals and a buck too. The thugs them we do where them got to. And won't think twice to you. Don't make them spot you unless you carry guns a lot too. A beer tough king come at you when trench town man stop laugh and block off traffic. Then them wheel on and them start pit. With the pin file long and it a beat rapid. Police come in a jeep and them can't stop it. Some say them a playboy rabbit. Get dropped like a bad habit. Son of a da post off if you're down to it. Rastafari stands alone. Welcome to Jam Rock. Hey. Welcome to Jam Rock. Out in the street, they call it. Welcome to Jam Down. Poor people are dead at random. Political violence can't done. Peer ghosts and phantom. The youth them get blind by stardom. Now the king of kings are called. Poor man to pick me. So wave on no one if you with me. To see this operation sick me. Them suit no fit me. To win election them trick with. Then them down do nothing at all. Come on let's face it. A ghetto education's basic. And most of the youth them waste it. And when them waste it, that's when them take the replace it. Then them don't stand a chance at all. And that's why enough little youth have up some fat with the extra in a them back pocket. And a bleach at night time in a some black jacket. All who not lock, said them a lock. Them we fully up a current like a shock socket. Them we run a road block which but the cops block it. And from now till a morning, no stop clock it. If them run out of roots, I broke back ratchet. Welcome to Jam Rock. South side, north side. Welcome to Jam Rock. East coast, west coast. Yo. Welcome to Jam Rock. Cornwall, Middlesex and Surrey, y'all. Welcome to Jam Rock. Out in the street, they call it Jamaica, Jamaica. Jamaica, Jamaica. Jamaica, Jamaica. Jamaica, Jamaica. Welcome to Jam Rock. Welcome to Jam Rock. Bien voilà les amis, c'était Damien Marley. Allez, continuons avec notre nouvel artiste, que c'est un groupe de rock de base, hein, oui, que tout le monde connaît, c'est Guns N' Roses. Mais là, ça a été changé en reggae. Le titre, c'est Sweet Child O' Mine. Je sais pas si vous reconnaissez la chanson, on dit comme ça, parce que j'ai un excellent accent anglais, n'est-ce pas? Nous l'aimons tous, nous l'aimons tous. Grosse dédicace à ma prof d'anglais, d'ailleurs, je suis pas seul, mais écoute, j'espère pas, dis-moi, parce que... Vu l'accent que j'ai, je crois que voilà. Mais bon, changeons de sujet. Hein. On est là pour du reggae, pas pour un cours d'anglais. Donc du coup, voilà, on est là, on va écouter Guns N' Roses, on va kiffer, on va danser, et puis on se retrouve juste après. Check out reggaecovers.com online radio. Cheers. Salam et Rasta, c'était Mon Air, Guns N' Roses. Allez, notre prochain artiste est Nirvana. Et oui, ce grand groupe de... Ah, je sais pas trop si c'est hard rock ou metal. Je sais pas trop. Mais bon, de toute façon, dans tous les cas, vous connaissez, vous voyez de quoi je veux parler. Et c'est la chanson Come As You Are. Eh oui, que tout le monde connaît d'ailleurs, hein, qui a été pris par Little Roy, donc en façon reggae, vous allez voir, quand je l'écoutais, franchement, j'ai kiffé, parce que faut savoir que j'adore Nirvana, ouais, j'écoute pas que du reggae, hein, j'écoute plein d'autres styles, et Nirvana, franchement, c'est l'un de mes groupes préférés, j'adore, d'ailleurs, j'ai appris l'anglais avec eux, donc je les remercie, ils m'écoutent pas eux, c'est sûr, hein, mais je les remercie quand même, parce que grâce à eux, j'ai pu m'améliorer en anglais, donc merci Nirvana. I love you, mom. I love you, Nirvana. Pas mom, c'est... Bon, bref. I love you, bref. Mais du coup, non, c'est la chanson Come As You Are, reprise par Little Roy. Et c'est parti. C'était Nirvana, Come As You Are. Ah là, c'était vraiment bien, franchement, j'ai kiffé. Allez, notre prochain artiste est une artiste que mon frère adore, je crois même qu'il est fan d'elle. Et il me semble qu'il aime bien cette chanson parce que ça fait maintenant 2 ans que je fais la radio et au début que j'ai commencé la radio, je savais pas trop quoi passer, je connaissais pas trop d'artistes. Enfin, j'en connaissais déjà pas mal, mais je savais plus trop quoi passer. Et il m'a fait, vas-y, mets Rihanna et la chanson Man Down. Je crois que c'est ça le titre, ouais, c'est même ça le titre. Et du coup, je me suis dit, vas-y, on va la passer, parce que du coup, je l'avais toujours pas passée, en fait. Donc du coup, j'ai repensé à ça, puis du coup, je la passe, voilà. Rien que pour toi, frérot. Je suis un bon frère ou je suis pas un bon frère? Attends, allez, les amis, c'est tout de suite Rihanna, Man Down. My mind, I need to get out of sight, but I end up behind bars. What started out as a simple altercation turns into a real sticky situation. Me just thinking on the time that I'm facing makes me wanna cry. 'Cause I didn't mean to hurt him. Could've been somebody's son. And I took his heart with. Rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum. Man down, rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum. Man down, mama, mama, mama, I just shot a man down in Central Station. Expect me to do if you're playing me for a fool. I will lose my cool and reach for my firearm. I didn't mean to lay him down, but it's too late to turn back now. Don't know what I was thinking. Now he's no longer living, so I'm about to leave town. Yeah, 'cause I didn't mean to hurt him. Could have been somebody's son. Took his heart when I pulled out that gun. Rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down. Rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down. Mama, mama, mama, I just shot a man down in Central Station. Pull it on you. Somebody tell me what I'm gonna do. Hey, rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Me say one man down. Oh, me say rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. When me went downtown, 'cause now I am a criminal, criminal, criminal. Oh Lord have mercy, now I am a criminal. Man down, tell the judge please give me minimal. Run out of town, none of them can't see me now, see me now. Oh mama, mama, mama, I just shot a man down in Central Station. bien voilà les amis, c'était Rihanna, Man Down. Allez, comment on va continuer, pas commençons, mais continuer avec notre avant-dernier artiste que tout le monde connaît aussi. C'est un grand artiste français qui s'appelle Yannick Noah. Et oui, parce que j'ai trouvé une chanson à lui qui est reggae, c'est La Voix des Sages, hein. Je sais pas si ça parle à tout le monde, mais je trouve que c'est plutôt une bonne chanson. Puis je me suis dit, jamais passé Yannick Noah, soyons fous, passons Yannick Noah pour une fois. Et c'est La Voix des Sages, c'est tout de suite sur Fadjet, c'est parti. Quand je ne crois plus à mes rêves, ou que je vis ceux des autres, souvent mon poing se lève, que je ne suis plus des vôtres. Et quand j'oublie ce que je crois, il me redonne la foi. Alors j'entends la voix des sages, et je chante avec eux. Regarde ce détour. Je préfère ne pas savoir, et que mon âme devient sourde. Quand j'oublie ce que je dois, il me remonte la voix. Alors j'entends la voix des sages, et je chante avec eux. Yannick Noah, putain, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté ça, mais oh, ça fait un bien fou d'écouter, hein. Franchement, ça date, mais j'adore, quoi. Allez, et c'est l'heure de passer à notre dernier artiste. Alors là, je me suis permis de remettre la même artiste que tout à l'heure, eh oui, Beyoncé. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que Beyoncé, comme je l'ai dit, c'est vraiment une meuf que j'adore. C'est peut-être pas mon artiste préféré, mais franchement, genre, j'ai passé Rihanna tout à l'heure. La Rihanna, c'est genre l'artiste préféré de mon frère, mais alors Beyoncé, c'est mon frère est plus Rihanna, moi je suis plus Beyoncé, quoi. Ouais, c'est la rivalité. Eh ouais, mon gars, c'est comme ça, qu'est-ce que tu crois. Et du coup, ouais, non, franchement, Beyoncé, c'est j'adore, vraiment je l'adore. Et du coup, c'est pour ça que je me suis permis de la mettre au début et à la fin. Et vraiment, vous allez voir que celle-là, elle est superbe. C'est All Up, vous allez voir, elle est superbe, vous allez kiffer. They don't love you like I love you. Slow down. They don't love you like I love you.